Il avait été officier de marine, et à ses gestes et à sa voix, on devinait qu'il sortait de l'océan et qu'il venait de la tempête. Il continuait l'ouragan dans la bataille. Au génie près, il y avait encourné quelque chose de Danton. Comme à la divinité près, il y avait en Danton quelque chose d'Hercule. Barthélemy, maigre, chétif, pâle, taciturne, était une espèce de gamin tragique qui, souffleté par un sergent de ville, le guetta, l'attendit et le tua. Et à 17 ans, fut mis au bagne. Il en sortit et fit cette barricade. Plus tard, chose fatale, à Lyon, proscrits tous deux, Barthélemy tua Cournet. Ce fut un duel funèbre. Quelque temps après, pris dans l'engrenage d'une de ces mystérieuses aventures où la passion est mêlée, catastrophe où la justice française voit des circonstances atténuantes et où la justice anglaise ne voit que la mort, Barthélemy fut pendu. La sombre construction sociale est ainsi faite que, grâce au dénuement matériel, grâce à l'obscurité morale, ce malheureux être qui contenait une intelligence, ferme à coup sûr, grande peut-être, commença par le bagne en France et finit par le gibet en Angleterre. Barthélemy, dans les occasions, n'arborait qu'un drapeau, le drapeau noir. Chapitre 2. Que faire dans l'abîme à moins que l'on ne cause ? 16 ans compte dans la souterraine éducation de l'émeute, et juin 1848 en savait plus long que juin 1832. Aussi, la barricade de la rue de la Chanvrerie n'était-elle qu'une ébauche et qu'un embryon comparée aux deux barricades colosses que nous venons d'esquisser. Mais pour l'époque, elle était redoutable. Les insurgés, sous l'œil d'Enjolras, car Marius ne regardait plus rien, avaient mis la nuit à profit. La barricade avait été non seulement réparée, mais augmentée. On l'avait exhaussée de deux pieds. Des barres de fer plantées dans les pavés ressemblaient à des lances en arrêt. Toutes sortes de décombres ajoutés et apportés de toutes parts compliquaient l'enchevêtrement extérieur. La redoute avait été savamment refaite en murailles au-dedans et en broussailles au-dehors. On avait rétabli l'escalier de pavé qui permettait d'y monter comme à un mur de citadelle. On avait fait le ménage de la barricade, désencombré la salle basse, pris la cuisine pour ambulance, achevé le pansement des blessés, recueilli la poudre éparse à terre et sur les tables, fondu des balles, fabriqué des cartouches, épluché de la charpie, distribué les armes tombées, nettoyé l'intérieur de la redoute, ramassé les débris, emporté les cadavres. On déposa les morts en tas dans la ruelle Mondétour, dont on était toujours maître. Le pavé a été longtemps rouge à cet endroit. Il y avait parmi les morts quatre gardes nationaux de la banlieue. Enjolras fit mettre de côté leurs uniformes. Enjolras avait conseillé 2 heures de sommeil. Un conseil d'Enjolras était une consigne. Pourtant, 3 ou 4 seulement en profitèrent. Feuilly employa ses 2 heures à la gravure de cette inscription sur le mur qui faisait face au cabaret. « Vive les peuples !» Ces 3 mots, creusés dans le moellon avec un clou, se lisaient encore sur cette muraille en 1848. Les 3 femmes avaient profité du répit de la nuit pour disparaître définitivement, ce qui faisait respirer les insurgés plus à l'aise. Elles avaient trouvé moyen de se réfugier dans quelques maisons voisines. La plupart des blessés pouvaient et voulaient encore combattre. Il y avait, sur une litière de matelas et de bottes de paille, dans la cuisine devenue l'ambulance, 5 hommes gravement atteints, dont 2 gardes municipaux. Les gardes municipaux furent pansés les premiers. Il ne resta plus dans la salle basse que Mabeuf sous son drap noir et Javert lié au poteau. « C'est ici la salle des morts, » dit Enjolras. Dans l'intérieur de cette salle, à peine éclairée d'une chandelle, tout au fond, la table mortuaire étant derrière le poteau comme une barre horizontale, une sorte de grande croix vague résultait de Javert debout et de Mabeuf couché. Le timon de l'omnibus, quoique tronqué par la fusillade, était encore assez debout pour qu'on pût y accrocher un drapeau. Enjolras, qui avait cette qualité d'un chef, de toujours faire ce qu'il disait, attacha à cette hampe l'habit troué et sanglant du vieillard tué. Aucun repas n'était plus possible. Il n'y avait ni pain ni viande. Les 50 hommes de la barricade, depuis 16 heures qu'ils étaient là, avaient eu vite épuisé les maigres provisions du cabaret. À un instant donné, toute barricade qui tient devient inévitablement le radeau de la Méduse. Il fallut se résigner à la faim. On était aux premières heures de cette journée spartiate du 6 juin, où, dans la barricade Saint-Merry, Jeanne, entourée d'insurgés qui demandaient du pain, à tous ses combattants criant « À manger !» répondait « Pourquoi ? Il est 3 heures. À 4 heures, nous serons morts. » Comme on ne pouvait plus manger, Enjolras défendit de boire. Il interdit le vin et rationna l'eau de vie. On avait trouvé dans la cave une quinzaine de bouteilles pleines, hermétiquement cachetées. Enjolras et Combeferre les examinèrent. Combeferre, en remontant, dit « C'est du vieux fond du père Hucheloup qui a commencé par être épicier. »« Cela doit être du vrai vin, » observa Bossuet. « Il est heureux que Grantaire dorme. S'il était debout, on aurait de la peine à sauver ces bouteilles-là. » Enjolras, malgré les murmures, mit son veto sur les 15 bouteilles, et afin que personne n'y touchât et qu'elles fussent comme sacrées, il les fit placer sous la table où gisait le père Mabeuf. Vers 2 heures du matin, on se compta. Ils étaient encore 37. Le jour commençait à paraître. On venait d'éteindre la torche qui avait été replacée dans son alvéole de pavé. L'intérieur de la barricade, cette espèce de petite cour prise sur la rue, était noyé de ténèbres et ressemblait, à travers la vague horreur crépusculaire, au pont d'un navire désemparé. Les combattants, allant et venant, s'y mouvaient comme des formes noires. Au-dessus de cet effrayant nid d'ombre, les étages des maisons muettes s'ébauchaient lividement. Tout en haut, les cheminées blêmissaient. Le ciel avait cette charmante nuance indécise qui est peut-être le blanc et peut-être le bleu. Des oiseaux y volaient avec des cris de bonheur. La haute maison qui faisait le fond de la barricade, étant tournée vers le levant, avait sur son toit un reflet rose. À la lucarne du 3e étage, le vent du matin agitait les cheveux gris sur la tête de l'homme mort. « Je suis charmé qu'on ait éteint la torche, » disait Courfeyrac à Feuilly. « Cette torche effarée au vent m'ennuyait. Elle avait l'air d'avoir peur. La lumière des torches ressemble à la sagesse des lâches. Elle éclaire mal parce qu'elle tremble. » L'aube éveille les esprits comme les oiseaux. Tous causaient. Joly, voyant un chat rôder sur une gouttière, en extrayait la philosophie. « Qu'est-ce que le chat ? » s'écriait-il. « C'est un correctif. Le bon Dieu, ayant fait la souris, a dit « Tiens, j'ai fait une bêtise. » Et il a fait le chat. Le chat, c'est l'erratum de la souris. La souris, plus le chat, c'est l'épreuve revue et corrigée de la création. Combeferre, entouré d'étudiants et d'ouvriers, parlait des morts, de Jean Prouvaire, de Bahorel, de Mabeuf, et même du Cabuc, et de la tristesse sévère d'Enjolras. Il disait « Harmodius et Aristogiton, Brutus, Chéréas, Stéphanus, Cromwell, Charlotte Corday, Sand, tous ont eu, après le coup, leur moment d'angoisse. Notre cœur est si frémissant et la vie humaine est un tel mystère que, même dans un meurtre civique, même dans un meurtre libérateur, s'il y en a, le remords d'avoir frappé un homme dépasse la joie d'avoir servi le genre humain. » Et ce sont là les méandres de la parole échangée, une minute après, par une transition venue des vers de Jean Prouvaire, Combeferre comparait entre eux les traductions des géorgiques. Ro à Gournan, Gournan à Delisle, indiquant les quelques passages traduits par Maléfilâtre, particulièrement les prodiges de la mort de César. Et par ce mot, César, la causerie revenait à Brutus. « César, dit Combeferre, est tombé justement. Cicéron a été sévère pour César, et il a eu raison. Cette sévérité-là n'est point la diatribe. Quand Zoïle insulte Homère, quand Mévius insulte Virgile, quand Visée insulte Molière, quand Pope insulte Shakespeare, quand Fréron insulte Voltaire, c'est une vieille loi d'envie et de haine qui s'exécute. Les génies attirent l'injure, les grands hommes sont toujours plus ou moins aboyés. Mais Zoïle et Cicéron, c'est deux. Cicéron est un justicier par la pensée, de même que Brutus est un justicier par l'épée. Je blâme, quant à moi, cette dernière justice-là, le glaive. Mais l'Antiquité l'admettait. César, violateur du Rubicon, conférant, comme venant de lui, les dignités qui venaient du peuple, ne se levant pas à l'entrée du Sénat, faisait, comme dit Eutrope, des choses de roi et presque de tyran. Regia ac pene tyrannica. C'était un grand homme. Tant pis, ou tant mieux. La leçon est plus haute. Ces 23 blessures me touchent moins que le crachat au front de Jésus-Christ. César est poignardé par les sénateurs, Christ est souffleté par les valets. À plus d'outrage, on sent le Dieu. Bossuet, dominant les causeurs du haut d'un tas de pavés, s'écriait, la carabine à la main, « Ô Sidaténéum, ô Myrinus, ô Probalente, ô grâce de l'Éantide, ô qui me donnera de prononcer les vers d'Homère comme un grec de l'Orium ou d'Édaptéon ?» Chapitre 3. Éclaircissement et assombrissement. Enjolras était allé faire une reconnaissance. Il était sorti par la ruelle Mondétour en serpentant le long des maisons. Les insurgés, disons-le, étaient pleins d'espoir. La façon dont ils avaient repoussé l'attaque de la nuit leur faisait presque dédaigner d'avance l'attaque du point du jour. Ils l'attendaient et en souriaient. Ils ne doutaient pas plus de leur succès que de leur cause. D'ailleurs, un secours allait évidemment leur venir. Ils y comptaient. Avec cette facilité de prophétie triomphante, qui est une des forces du français combattant, il divisait en trois phases certaines la journée qui allait s'ouvrir. À 6 heures du matin, un régiment, qu'on avait travaillé, tournerait. À midi, l'insurrection de tout Paris. Au coucher du soleil, la révolution. On entendait le tocsin de Saint-Méry qui ne s'était pas tu une minute depuis la veille. Preuve que l'autre barricade, la grande, celle de Jeanne, tenait toujours. Toutes ces espérances s'échangeaient d'un groupe à l'autre dans une sorte de chuchotement gai et redoutable qui ressemblait au bourdonnement de guerre d'une ruche d'abeilles. Enjolras reparut. Il revenait de sa sombre promenade d'aigle dans l'obscurité extérieure. Il écouta un instant toute cette joie, les bras croisés, une main sur sa bouche. Puis, frais et rose dans la blancheur grandissante du matin, il dit « Toute l'armée de Paris donne. Un tiers de cette armée pèse sur la barricade où vous êtes. De plus, la garde nationale. J'ai distingué les shakos du 5e de ligne et les guidons de la 6e légion. Vous serez attaqués dans 1 heure. Quant au peuple, il a bouillonné hier, mais ce matin il ne bouge pas. Rien à attendre, rien à espérer. Pas plus un faubourg qu'un régiment. Vous êtes abandonnés. » Ces paroles tombèrent sur le bourdonnement des groupes et y firent l'effet que fait sur un essaim la première goutte de l'orage. Tous restèrent muets. Il y eut un moment d'inexprimable angoisse où l'on eût entendu voler la mort. Ce moment fut court. Une voix, du fond le plus obscur des groupes, cria à Enjolras « Soit, élevons la barricade à 20 pieds de haut et restons-y tous. Citoyens, faisons la protestation des cadavres.

Ses cheveux blonds se renversèrent en arrière comme ceux de l'ange sur le sombre quadrige fait d'étoiles. Ce fut comme une crinière de lion effarée en flamboiement d'auréole, et Enjolras s'écria. « Citoyens, vous représentez-vous l'avenir ? Les rues des villes inondées de lumière, des branches vertes sur les seuils, les nations sœurs, les hommes justes, les vieillards bénissant les enfants, le passé aimant le présent, les penseurs en pleine liberté, les croyants en pleine égalité, pour religion le ciel, Dieu prêtre direct, la conscience humaine devenue l'autel, plus de haine, la fraternité de l'atelier et de l'école, pour pénalité et pour récompense, la notoriété, à tous le travail, pour tous le droit, sur tous la paix, plus de sang versé, plus de guerre, les mères heureuses, dompter la matière, c'est le premier pas, réaliser l'idéal, c'est le second. Réfléchissez à ce qu'a déjà fait le progrès. Jadis, les premières races humaines voyaient avec terreur passer devant leurs yeux l'hydre qui soufflait sur les eaux, le dragon qui vomissait du feu, le griffon qui était le monstre de l'air et qui volait avec les ailes d'un aigle et les griffes d'un tigre, bêtes effrayantes qui étaient au-dessus de l'homme. L'homme, cependant, a tendu ses pièges, les pièges sacrés de l'intelligence, et il a fini par y prendre les monstres. Nous avons dompté l'hydre, et elle s'appelle le steamer. Nous avons dompté le dragon, et il s'appelle la locomotive. Nous sommes sur le point de dompter le griffon, nous le tenons déjà, et il s'appelle le ballon. Le jour où cette œuvre prométhéenne sera terminée, et où l'homme aura définitivement attelé à sa volonté la triple chimère antique, l'hydre, le dragon et le griffon, il sera maître de l'eau, du feu et de l'air, et il sera pour le reste de la création animée ce que les anciens dieux étaient jadis pour lui. Courage et en avant! Citoyens, où allons-nous? À la science faite gouvernement, à la force des choses devenue seule force publique, à la loi naturelle ayant sa sanction et sa pénalité en elle-même et se promulguant par l'évidence, à un lever de vérité correspondant au lever du jour. Nous allons à l'union des peuples, nous allons à l'unité de l'homme. Plus de fiction, plus de parasites. Le réel gouverné par le vrai. Voilà le but. La civilisation tiendra ses assises au sommet de l'Europe et plus tard au centre des continents, dans un grand parlement de l'intelligence. Quelque chose de pareil s'est vu déjà. Les amphictyons avaient deux séances par an, l'une à Delphes, lieu des dieux, l'autre aux Thermopyles, lieu des héros. L'Europe aura ses amphictyons. Le globe aura ses amphictyons. La France porte cet avenir sublime dans ses flancs. C'est là la gestation du XIXe siècle. Ce qu'avait ébauché la Grèce est digne d'être achevé par la France. Écoute-moi, toi, Feuilly, vaillant ouvrier, homme du peuple, homme des peuples, je te vénère. Oui, tu vois nettement les temps futurs. Oui, tu as raison. Tu n'avais ni père ni mère, Feuilly. Tu as adopté pour mère l'humanité et pour père le droit. Tu vas mourir ici, c'est-à-dire triompher. Citoyen, quoi qu'il arrive aujourd'hui, par notre défaite, aussi bien que par notre victoire, c'est une révolution que nous allons faire. De même que les incendies éclairent toute la ville, les révolutions éclairent tout le genre humain. Et quelle révolution ferons-nous? Je viens de le dire, la révolution du vrai. Au point de vue politique, il n'y a qu'un seul principe, la souveraineté de l'homme sur lui-même. Cette souveraineté de moi sur moi s'appelle liberté. Là où deux ou plusieurs de ces souverainetés s'associent, commence l'État. Mais dans cette association, il n'y a nulle abdication. Chaque souveraineté concède une certaine quantité d'elle-même pour former le droit commun. Cette quantité est la même pour tous. Cette identité de concession que chacun fait à tous s'appelle égalité. Le droit commun n'est pas autre chose que la protection de tous rayonnant sur le droit de chacun. Cette protection de tous sur chacun s'appelle fraternité. Le point d'intersection de toutes ces souverainetés qui s'agrègent s'appelle société. Cette intersection étant une jonction, ce point est un nœud. De là ce qu'on appelle le lien social. Quelques-uns disent contrat social, ce qui est la même chose. Le mot contrat étant étymologiquement formé avec l'idée de lien. Entendons-nous sur l'égalité. Car si la liberté est le sommet, l'égalité est la base. L'égalité, citoyens, ce n'est pas toute la végétation à niveau. Une société de grands brins d'herbe et de petits chênes. Un voisinage de jalousie entre chatrans. C'est, civilement, toutes les aptitudes ayant la même ouverture. Politiquement, tous les votes ayant le même poids. Religieusement, toutes les consciences ayant le même droit. L'égalité a un organe, l'instruction, gratuite et obligatoire. Le droit à l'alphabet, c'est par là qu'il faut commencer. L'école primaire imposée à tous, l'école secondaire offerte à tous. C'est là la loi. De l'école identique sort la société égale. Oui, enseignement, lumière, lumière. Tout vient de la lumière et tout y retourne. Citoyens, le 19e siècle est grand, mais le 20e siècle sera heureux. Alors, plus rien de semblable à la vieille histoire. On n'aura plus à craindre, comme aujourd'hui, une conquête, une invasion, une usurpation, une rivalité de nations à main armée, une interruption de civilisation dépendant d'un mariage de rois, une naissance dans les tyrannies héréditaires, un partage de peuple par congrès, un démembrement par écroulement de dynastie, un combat de deux religions se rencontrant de front, comme deux boucles de l'ombre, sur le pont de l'infini. On n'aura plus à craindre la famine, l'exploitation, la prostitution par détresse, la misère par chômage, et l'échafaud, et le glaive, et les batailles, et tous les brigandages du hasard dans la forêt des événements. On pourrait presque dire « il n'y aura plus d'événements ». On sera heureux. Le genre humain accomplira sa loi comme le globe terrestre accomplit la sienne. L'harmonie se rétablira entre l'âme et l'astre. L'âme gravitera autour de la vérité comme l'astre autour de la lumière. Amis, l'heure où nous sommes et où je vous parle est une heure sombre, mais ce sont là les achats terribles de l'avenir. Une révolution est un péage. Oh, le genre humain sera délivré, relevé et consolé. Nous le lui affirmons sur cette barricade. D'où poussera-t-on le cri d'amour si ce n'est du haut du sacrifice? Oh, mes frères, c'est ici le lieu de jonction de ceux qui pensent et de ceux qui souffrent. Cette barricade n'est faite ni de pavés, ni de poutres, ni de ferrailles. Elle est faite de deux monceaux. Un monceau d'idées et un monceau de douleurs. La misère y rencontre l'idéal. Le jour y embrasse la nuit et lui dit « Je vais mourir avec toi et tu vas renaître avec moi. » De l'étreinte de toutes les désolations jaillit la foi. Les souffrances apportent ici leur agonie et les idées leur immortalité. Cette agonie et cette immortalité vont se mêler et composer notre mort. Frère, qui meurt ici, meurt dans le rayonnement de l'avenir, et nous entrons dans une tombe toute pénétrée d'aurore. Enjolras s'interrompit plutôt qu'il ne se tut. Ses lèvres remuaient silencieusement comme s'il continuait de se parler à lui-même. Ce qui fit qu'attentif, et pour tâcher de l'entendre encore, ils le regardèrent. Il n'y eut pas d'applaudissements, mais on chuchota longtemps. La parole est en souffle, les frémissements d'intelligence ressemblent à des frémissements de feuilles. Chapitre 6. Marius Agar, Javert Laconique. Disons ce qui se passait dans la pensée de Marius. Qu'on se souvienne de sa situation d'âme. Nous venons de le rappeler, tout n'était pour lui que vision. Son appréciation était trouble. Marius, insistons-y, était sous l'ombre des grandes ailes ténébreuses ouvertes sur les agonisants. Il se sentait entré dans le tombeau. Il lui semblait qu'il était déjà de l'autre côté de la muraille. Et il ne voyait plus les faces des vivants qu'avec les yeux d'un mort. Comment M. Fauchelevent était-il là? Pourquoi y était-il? Qu'y venait-il faire? Marius ne s'adressa point toutes ces questions. D'ailleurs, notre désespoir ayant cela de particulier qu'il enveloppe autrui comme nous-mêmes, il lui semblait logique que tout le monde vint mourir. Seulement, il songea à Cosette avec un serrement de cœur. Du reste, M. Fauchelevent ne lui parla pas, ne le regarda pas, et n'eut pas même l'air d'entendre lorsque Marius éleva la voix pour dire « Je le connais ». Quant à Marius, cette attitude de M. Fauchelevent le soulageait. Et si l'on pouvait employer un tel mot pour de telles impressions, nous dirions « lui plaisait ». Il s'était toujours senti une impossibilité absolue d'adresser la parole à cet homme énigmatique qui était à la fois pour lui équivoque et imposant. Il y avait en outre très longtemps qu'il ne l'avait vu, ce qui, pour la nature timide et réservée de Marius, augmentait encore l'impossibilité. Les cinq hommes désignés sortirent de la barricade par la ruelle Mondétour. Ils ressemblaient parfaitement à des gardes nationaux. Un d'eux s'en alla en pleurant. Avant de partir, ils embrassèrent ceux qui restaient. Quand les cinq hommes renvoyés à la vie furent partis, Enjolras pensa au condamné à mort. Il entra dans la salle basse. Javert, lié au pilier, songeait. « Te faut-il quelque chose ?» lui demanda Enjolras. Javert répondit « Quand me tuerez-vous ? » « Attends, nous avons besoin de toutes nos cartouches en ce moment. »« Alors donnez-moi à boire, » dit Javert. Enjolras lui présenta lui-même un verre d'eau, et comme Javert était garrotté, il l'aida à boire. « Est-ce là tout ? » reprit Enjolras. « Je suis mal à ce poteau, » répondit Javert. « Vous n'êtes pas tendre de m'avoir laissé passer la nuit là. Liez-moi comme il vous plaira, mais vous pouvez bien me coucher sur une table comme l'autre. » Et d'un mouvement de tête, il désignait le cadavre de M. Mabeuf. Il y avait, on s'en souvient, au fond de la salle, une grande et longue table sur laquelle on avait fondu des balles et fait des cartouches. Toutes les cartouches étant faites et toute la poudre étant employée, cette table était libre. Sur l'ordre d'Enjolras, quatre insurgés délièrent Javert du poteau. Tandis qu'on le déliait, un cinquième lui tenait une baïonnette appuyée sur la poitrine. On lui laissa les mains attachées derrière le dos, on lui mit au pied une corde à fouet mince et solide qui lui permettait de faire des pas de 15 pouces, comme à ceux qui vont monter à l'échafaud. Et on le fit marcher jusqu'à la table au fond de la salle où on l'étendit, étroitement lié par le milieu du corps. Pour plus de sûreté, au moyen d'une corde fixée au cou, on ajouta au système de ligature qui lui rendait toute évasion impossible cette espèce de lien appelé dans les prisons martingale qui part de la nuque, se bifurque sur l'estomac et vient rejoindre les mains après avoir passé entre les jambes. Pendant qu'on garrottait Javert, un homme, sur le seuil de la porte, le considérait avec une attention singulière. L'ombre que faisait cet homme fit tourner la tête à Javert. Il leva les yeux et reconnut Jean Valjean. Il ne tressaillit même pas, abaissa fièrement la paupière et se borna à dire « C'est tout simple. » Chapitre 7. La situation s'aggrave. Le jour croissait rapidement, mais pas une fenêtre ne s'ouvrait, pas une porte ne s'entrebâillait. C'était l'aurore, non le réveil. L'extrémité de la rue de la Chanvrerie, opposée à la barricade, avait été évacuée par les troupes, comme nous l'avons dit. Elle semblait libre et s'ouvrait aux passants avec une tranquillité sinistre. La rue Saint-Denis était muette, comme l'avenue des Sphinx à Thèbes. Pas un être vivant dans les carrefours que blanchissait un reflet de soleil. Rien n'est lugubre comme cette clarté des rues désertes. On ne voyait rien, mais on entendait. Il se faisait à une certaine distance un mouvement mystérieux. Il était évident que l'instant critique arrivait. Comme la veille au soir, les vedettes se replièrent, mais cette fois toutes. La barricade était plus forte que lors de la première attaque. Depuis le départ des cinq, on l'avait exhaussée encore. Sur l'avis de la vedette qui avait observé la région des Halles, Enjolras, de peur d'une surprise par derrière, prit une résolution grave. Il fit barricader le petit boyau de la ruelle Mondétour, resté libre jusqu'alors. On dépava pour cela quelques longueurs de maison de plus. De cette façon, la barricade, murée sur trois rues, en avant sur la rue de la Chanvrerie, à gauche sur la rue du Cygne et de la Petite Truanderie, à droite sur la rue Mondétour, était vraiment presque inexpugnable. Il est vrai qu'on y était fatalement enfermé. Elle avait trois fronts, mais n'avait plus d'issue. « Forteresse, mais souricière, » dit Courfeyrac en riant. Enjolras fit entasser près de la porte du cabaret une trentaine de pavés, arrachés de trop, disait Bossuet. Le silence était maintenant si profond du côté d'où l'attaque devait venir qu'Enjolras fit reprendre à chacun le poste de combat. On distribua à tous une ration d'eau-de-vie. Rien n'est plus curieux qu'une barricade qui se prépare à un assaut. Chacun choisit sa place comme au spectacle. On s'accote, on s'accoude, on s'épaule. Il y en a qui se font des stalles avec des pavés. Voilà un coin de mur qui gêne, on s'en éloigne. Voici un redan qui peut protéger, on s'y abrite. Les gauchers sont précieux, ils prennent les places incommodes aux autres. Beaucoup s'arrangent pour combattre assis. On veut être à l'aise pour tuer et confortablement pour mourir. Dans la funeste guerre de juin 1848, un insurgé qui avait un tir redoutable et qui se battait du haut d'une terrasse sur un toit s'y était fait apporter un fauteuil Voltaire. Un coup de mitraille vint l'y trouver. Sitôt que le chef a commandé le branle-bas de combat, tous les mouvements désordonnés cessent. Plus de tiraillements de l'un à l'autre, plus de coterie, plus d'aparté, plus de bande à part. Tout ce qui est dans les esprits converge et se change en attente de l'assaillant. Une barricade avant le danger, chaos. Dans le danger, discipline. Le péril fait l'ordre. Dès qu'Enjolras eut pris sa carabine à deux coups et se fut placé à une espèce de créneau qu'il s'était réservé, tous se turent. Un pétillement de petits bruits secs retentit confusément le long de la muraille de pavés. C'étaient les fusils qu'on armait. Du reste, les attitudes étaient plus fières et plus confiantes que jamais. L'excès du sacrifice est un affermissement. Ils n'avaient plus l'espérance, mais ils avaient le désespoir. Le désespoir, dernière arme, qui donne la victoire quelquefois. Virgile l'a dit. Les ressources suprêmes sortent des résolutions extrêmes. S'embarquer dans la mort, c'est parfois le moyen d'échapper au naufrage. Et le couvercle du cercueil devient une planche de salut. Comme la veille au soir, toutes les attentions étaient tournées, et on pourrait presque dire appuyées, sur le bout de la rue, maintenant éclairée et visible. L'attente ne fut pas longue. Le remuement recommença distinctement du côté de Saint-Leu. Mais cela ne ressemblait pas au mouvement de la première attaque. Un clapotement de chaînes, le cahotement inquiétant d'une masse, un cliquetis d'airain sautant sur le pavé, une sorte de fracas solennel, annoncèrent qu'une ferraille sinistre s'approchait. Il y eut un tressaillement dans les entrailles de ces vieilles rues paisibles, percés et bâtis pour la circulation féconde des intérêts et des idées, et qui ne sont pas faites pour le roulement monstrueux des roues de la guerre. La fixité des prunelles de tous les combattants sur l'extrémité de la rue devint farouche. Une pièce de canon apparut. Les artilleurs poussaient la pièce. Elle était dans son encastrement de tir. L'avant-train avait été détaché. Deux soutenaient l'affût, quatre étaient aux roues, d'autres suivaient avec le caisson. On voyait la mèche allumée. « Feu !» cria Enjolras. Toute la barricade fit feu. La détonation fut effroyable. Une avalanche de fumée couvrit et effaça la pièce et les hommes. Après quelques secondes, le nuage se dissipa, et le canon et les hommes reparurent. Les servants de la pièce achevaient de la rouler en face de la barricade, lentement, correctement et sans se hâter. Pas un n'était atteint. Puis le chef de pièce, pesant sur la culasse pour élever le tir, se mit à pointer le canon avec la gravité d'un astronome qui braque une lunette. « Bravo, les canonniers !» cria Bossuet. Et toute la barricade battit des mains. Un moment après, carrément posée au beau milieu de la rue, à cheval sur le ruisseau, la pièce était en batterie. Une gueule formidable était ouverte sur la barricade. « Allons, guet !» fit Courfeyrac. « Voilà le brutal. Après la chiquenaude, le coup de poing. L'armée étend vers nous sa grosse patte. La barricade va être sérieusement secouée. La fusillade tâte, le canon prend. » C'est une pièce de 8, nouveau modèle, en bronze, ajouta Combeferre. Ces pièces-là, pour peu qu'on dépasse la proportion de 10 parties d'étain sur 100 de cuivre, sont sujettes à éclater. L'excès d'étain les fait trop tendres. Il arrive alors qu'elles ont des caves et des chambres dans la lumière. Pour obvier à ce danger et pouvoir forcer la charge, il faudrait peut-être en revenir au procédé du XIVe siècle, le cerclage, et émenocher extérieurement la pièce d'une suite d'anneaux d'acier sans soudure, depuis la culasse jusqu'au tourillon. En attendant, on remédie comme on peut aux défauts. On parvient à reconnaître où sont les trous et les caves dans la lumière d'un canon au moyen du chat. Mais il y a un meilleur moyen, c'est l'étoile mobile de Gribeauval. Au XVIe siècle, observa Bossuet, on rayait les canons. Oui, répondit Combeferre, cela augmente la puissance balistique, mais diminue la justesse de tir. En outre, dans le tir à courte distance, la trajectoire n'a pas toute la roideur désirable. La parabole s'exagère, le chemin du projectile n'est plus assez rectiligne pour qu'il puisse frapper tous les objets intermédiaires. Nécessité de combat pourtant, dont l'importance croît avec la proximité de l'ennemi et la précipitation du tir. Ce défaut de tension de la courbe du projectile dans les canons rayés du XVIe siècle tenait à la faiblesse de la charge. Les faibles charges, pour cette espèce d'engin, sont imposées par des nécessités balistiques, telles, par exemple, que la conservation des affûts. En somme, le canon, ce despote, ne peut pas tout ce qu'il veut. La force est une grosse faiblesse. Un boulet de canon ne fait que 600 lieues par heure. La lumière fait 70 000 lieues par seconde. Telle est la supériorité de Jésus-Christ sur Napoléon. « Rechargez les armes !» dit Enjolras. De quelle façon le revêtement de la barricade allait-il se comporter sous le boulet? Le coup ferait-il brèche? Là était la question. Pendant que les insurgés rechargeaient les fusils, les artilleurs chargeaient le canon. L'anxiété était profonde dans la redoute. Le coup partit. La détonation éclata. « Présent !» cria une voix joyeuse. Et en même temps que le boulet sur la barricade, Gavroche s'abattit dedans. Il arrivait du côté de la rue du Cygne et il avait lestement enjambé la barricade accessoire qui faisait front au dédale de la petite truanderie. Gavroche fit plus d'effet dans la barricade que le boulet. Le boulet s'était perdu dans le fouillis des décombres. Il avait tout au plus brisé une roue de l'omnibus et achever la vieille charrette en seau. Ce que voyant, la barricade se mit à rire. « Continuez !» cria Bossuet aux artilleurs.